comment est-ce qu'on vit avec cette idéologie-là et les mettre en pratique dans un monde aussi autoritaire, violent, machiste? Parfois mal. Parfois, on ne sait pas quoi faire avec cette colère. Parfois, on se sent seul. Parfois, on voit que le machisme, justement, il ne s'inscrit pas juste dans... Tu sais, chez les antiféministes, pur et dur, il n'est pas non plus le fait des policiers. Il est aussi le fait d'amis militants. Donc, on se sent seul. On sent qu'on doit solidariser aussi pour arriver à faire face à tout ce qu'on vit dans le quotidien, mais aussi dans la militance. Dans le fond, la question, c'est que comment est-ce qu'on vit avec ça au quotidien? Mais je pense que c'est... Je pense que peut-être ça paraît petit, mais c'est avec des actions comme aujourd'hui, tu sais, où on prend le temps collectivement de s'arrêter puis de dénoncer un phénomène qui nous insurge, qui nous rend complètement hors de nous. Puis c'est sûr que c'est pas ça qui va complètement changer la situation. Cependant, de le dénoncer, c'est déjà un pas, je pense, vers ce qu'on souhaite être, comme un petit apport, tenter de transformer les choses ou de sensibiliser les gens. T'sais, c'est sûr que à peu, c'est difficile, mais je pense qu'à partager une vision ou à tenter de sensibiliser les gens, ça peut faire avancer les choses un temps soit peu ou éclaircir un peu. Oui. Je pense que le terme sensibiliser les gens est peut-être la meilleure façon d'amener la pensée, là, de sensibiliser les gens au fait que ce qu'on dénonce est important, puis c'est pas juste isolé, c'est pas des faits isolés, tu sais, c'est plusieurs événements, c'est plusieurs qu'on rapatrie ensemble et qu'on dénonce. Donc, je pense que c'est peut-être un petit geste, mais je pense qu'elle a quand même une portée. J'ajouterais que... Ben, je pense que comme féministe radicale, antipatriarcat, anticapitaliste, je pense que c'est un peu la force d'un collectif comme les sorcières, c'est que souvent on se retrouve... Quand on regarde notre histoire, là, on se retrouvait souvent seul, ou en tout cas on se sentait seul dans des milieux militants qui étaient mixtes. Puis je pense que la force d'un collectif, c'est que justement on peut se retrouver ensemble pour travailler en non-mixité sur des bases communes, sur les oppressions spécifiques qu'on vit. Et je vois ça aussi comme un safe space où on peut justement parler de nos vies, de nos quotidiens, que ce soit notre travail, que ce soit notre vie de couple, où justement on a à vivre différentes formes d'oppression ou à faire face à différentes attitudes macho. Puis c'est le fun de se retrouver entre nous pour être capable de le nommer, de le dénoncer, mais aussi aller chercher une espèce de force qui te permet après de retourner dans ton milieu puis d'avoir ce que moi j'appelle, ben, ce qu'on appelle le gras. Où tu as une force pour justement réagir. Fait que ça devient un peu une espèce de source de d'énergie ou de conviction. Tu te sens justement plus toute seule là, dans tes convictions. Et aussi les sorcières, justement, comme on est un des seuls, des derniers collectifs féministes radicaux qui existent à Montréal, on fait ce qu'on peut. Mais depuis maintenant 11 ans, on publie un journal. On n'est pas nécessairement tout le temps assidu à la publication du journal, mais on publie un journal de sensibilisation pour que certaines femmes puissent mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Moi, ça a été ça, mon féminisme. C'est-à-dire, j'avais besoin de mots pour nommer ce que je vivais. Et puis, le féminisme m'a apporté ces mots-là. Fait qu'on fait la même chose. On veut sensibiliser comme ça. On s'est toujours assuré aussi d'avoir une présence dans des espaces de mixité en tant que collectif pour arriver aussi à dénoncer l'oppression que les hommes nous font vivre. Et si on peut le souhaiter, avoir aussi à nos côtés des hommes pro-féministes. Après, ben justement, donc on est visible dans des espaces de mixité et on organise de façon autonome nos propres actions. Donc, essayer de réseauter les féministes radicales aussi, c'est un des objectifs. Et ce qu'on souhaite, c'est la multiplication des collectifs féministes. Moi, j'aimerais juste souligner que je suis heureuse de voir que chez les antifascistes, il y a un collectif de femmes qui s'est créé récemment et ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir. Donc, c'est justement, on pense, par l'entremise d'une multiplication de collectifs qu'on va arriver aussi à avancer en force pour faire encore plus d'actions puis pour pouvoir justement avancer dans un monde sans État, capitalisme et patriarcat. Est-ce que vous pourriez parler de d'où c'est que ça vient les sorcières en fait? D'où vient le collectif? Le collectif s'est créé au début des années 2000 et c'est né d'une discussion de cuisine. Les féministes, hein, même en 70, les collectifs féministes naissaient souvent d'une discussion de cuisine entre militantes des milieux anarchistes, communistes, qui, dans le fond, voulaient mettre en commun le machisme qu'elles vivaient dans les milieux militants respectifs et aussi dénoncer les agressions sexuelles de militants à l'endroit de militantes. Donc, elles se sont collectivisées, elles ont collectivisé leur colère et elles ont formé les sorcières. La première action, justement, qui a lancé les sorcières dans l'espace public, ça a été l'action contre l'Église. Au fait, elles ont lancé des serviettes sanitaires dans une église et elles ont dénoncé, dans le fond, la mainmise de l'Église catholique sur le corps des femmes, mais le patriarcat aussi. Cette mainmise, justement, comme quoi on nous interdit de pouvoir avorter et de contrôler nos corps en matière de maternité, d'avortement. Donc ça, ça a été la première action des sorcières. Et par la suite, justement, les sorcières ont collaboré avec d'autres collectifs féministes qui existaient à l'époque et ont toujours poursuivi avec un renouvellement de militantes, mais ont poursuivi la lutte jusqu'à aujourd'hui. Si les gens souhaitent en savoir plus ou souhaitent entrer en contact avec nous, on a une adresse courriel où ils peuvent nous joindre. Donc, l'adresse, évidemment, tout en minuscules, sans accent, sorcière au pluriel, 01@gmail.com. Donc, si les gens souhaitent nous écrire. Et bientôt, oui, effectivement, un site web qui sera mis en ligne. En quoi est-ce que la police est machiste? Je veux dire, c'est son essence même, je pense. Les valeurs qu'elle véhicule, la force, la prise de pouvoir sur les autres. Je veux dire, pour moi, en quoi est-ce que la police est machiste? J'aurais de la difficulté à répondre peut-être exactement à la question, mais pour moi, c'est le pouvoir, c'est le bras mort, l'armée de l'État. Pour moi, il n'y a pas plus d'incarnation évidente, je pense, du pouvoir machiste dans la société. Aussi parce que pour moi, le patriarcat, ce n'est pas un système comme ça d'idées. Ça s'incarne chez des individus qui, individuellement, ne verbalisent pas nécessairement ce qu'ils font comme étant un geste d'exploitation ou d'oppression, mais qui collectivement participent de ce système-là. Donc, c'est parce que le corps policier, c'est majoritairement des hommes, que aussi on peut dire que c'est machisme. Parce que ces hommes vont aussi, en tant qu'hommes, surtout qu'ils contrôlent les armes, possèdent les armes, vont avoir encore plus de chances de pouvoir exercer de la domination sur des femmes, et pas juste sur des femmes, sur des personnes racisées, sur des marginaux, sur d'autres catégories de gens qui sont vraiment vulnérabilisés là, par le système et les systèmes. Donc, c'est aussi parce que c'est des hommes et que des hommes exercent leurs privilèges et s'assurent vraiment que tout soit dans l'ordre. Qu'est-ce que vous savez particulièrement de la violence sexiste de la police de Montréal? Je pense que c'est un peu partout la même chose. Les policiers vont s'en prendre aussi aux femmes les plus vulnérables, qui ont peut-être justement moins la voix dans la cité, donc moins les possibilités pour dénoncer ce qu'elles vivent. Elles ne sont pas entendues parce que marginales. Et là, je pense ici aux femmes dans l'industrie du sexe, aux femmes itinérantes, aux femmes consommatrices de drogue et qui vont justement subir au quotidien ou presque au quotidien des violences que d'autres parce que leur statut, elles sont peut-être femmes, mais elles sont aussi privilégiées dans le système capitaliste, vont pas subir. Le fait d'être vêtues de façon propre et d'avoir l'air d'une jeune professionnelle, ben nous prémunit aussi là, dans les parcs, par exemple, de violences policières, si on n'est pas dans le cadre d'une manifestation qu'une femme en situation d'itinérance n'aura pas comme privilège. Il y a des femmes qui, justement, vivent des triples, des quadruples situations de pression et d'exploitation qui font en sorte qu'elles sont les plus touchées par le corps policier. J'allais ajouter que tantôt on parlait des policiers qui sont proxénètes. Il y en a beaucoup aussi que c'est à leur retraite. T'sais, qui ont quand même beaucoup de contacts parce qu'ils ont protégé des proxénètes pendant toute leur carrière, fait qu'ils connaissent bien le milieu, puis ils vont s'ouvrir des bars de danseuses ou autres. Ils ont peut-être éventuellement fait du recrutement aussi pendant qu'ils travaillaient. Parce qu'ils ont pu cibler tous ces gens-là. Mm-hmm. Puis, est-ce que vous êtes encore témoin d'agressions dans des ruelles? Parce qu'il était beaucoup question pendant un certain temps qu'ils agressaient des prostituées dans les ruelles, ou ils échangeaient, entre guillemets, le fait de ne pas les arrêter pour des services sexuels. Mm-hmm. C'est une pratique qu'on entend parler depuis un bout de temps. J'ai pas entendu d'histoire là, dernièrement. Sauf que je pense que ça vaudrait la peine de peut-être questionner des filles de la clé là-dessus, qui entendent beaucoup de témoignages là, à tous les jours. C'est quoi votre sentiment par rapport à l'évolution de la police au Canada en tant que femme? Évolution. L'évolution, c'est pas nécessairement positif. Ouais, non, c'est ça. Eh bien, peu de transformations dans le temps, au fait. Il y a des femmes maintenant dans la police, ce qu'on n'avait pas dans les années 50. Maintenant, c'est un métier, fait que les gens sont formés, mais ça revient au même parce que ce qu'on constate et ce qu'on entend aussi de témoignages de femmes qui subissent les violences policières, c'est que les policiers sont bourrés de préjugés racistes, sexistes, et même leurs collègues doivent se taire aussi, leurs collègues féminins, ce qu'on sait ou ce qu'on entend quand on est militante puis on est intercepté par la police, c'est qu'on entend aussi des policiers faire des jokes à leurs collègues féminins qui subissent ces violences-là aussi, mais qui, par esprit de corps, vont s'en prendre aux femmes militantes en solidarité, mais tout en ne dénonçant pas ou peu ce qu'elles vivent dans leur corps de métier. Ça, c'est ce qu'on sait. Fait que la présence de femmes qui est vraiment peu nombreuse, là, on parle d'une grosse minorité. J'ai pas les chiffres, mais c'est quand même très minoritaire. Ils vont pas transformer la culture policière, vont pas avoir ce poids-là dans le corps de métier. En fait, j'irais peut-être plus loin, c'est que c'est sûr que c'est vraiment pas une étude exhaustive, mais je suis profondément convaincue que ces femmes-là se sentent probablement même obligées d'adopter une attitude de mâle quand elles entrent dans ce métier-là ou dans ce corps-là, parce que, comme il a été mentionné précédemment, c'est un peu l'omerta, là, c'est un peu la loi du silence. C'est soit que tu agis comme moi, parce que sinon, gare à toi un peu. C'est un peu ça aussi. Là. Je suis profondément convaincue de ce que j'avance. J'ajouterais que je pense qu'avec le temps, un peu comme toutes les grandes institutions gouvernementales, il y a bien du papier qui s'est rajouté, bien des étapes, ce qui fait que je pense qu'ils se protègent encore plus de cette façon-là. Puis comme citoyenne, tu as encore moins d'opportunités de te défendre ou de porter plainte en déonto. Ça devient hyper compliqué avec bien des étapes. Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi, je pense, qui est plus difficile. Bon, OK. Pourquoi j'ai fait ça, là, mais par expérience, j'ai pris un cours à l'université en police. Oui. À l'époque, j'étais, ça fait pas loin d'une dizaine d'années. Non, moins que ça. Avec une autre féministe radicale qui m'avait dit « mieux vaut connaître l'ennemi de l'intérieur ». Donc, je me suis retrouvée dans un cours de sécurité intérieure où on était les deux seules femmes de travailleuses sociales avec environ 55 policiers et policières. Il y avait peut-être 5 femmes policières dans le cours, puis une 45 environ hommes. C'est un cours qui parlait beaucoup de l'histoire de la police, de l'histoire de la sécurité, comment ça fonctionne, machin. Et il y a eu un cours où, peut-être la moitié d'un cours, là, dédié justement à l'évolution des femmes dans la police. Et, bon, le prof parlait juste de statistiques, de trucs plates. Et à un moment donné, a quand même dit, je pense que ça a été difficile, il parlait au passé, ça a été difficile pour les femmes de faire leur place. Et il y a certaines femmes dans la classe qui étaient policières, qui ont levé leurs mains pour dire, puis témoigner en fait de ce qu'ils ont entendu de sexiste quand ils sont rentrés, justement de ce que tu disais, ben, quelqu'une disait précédemment, sur le fait que tu dois adopter la mâle attitude, sinon tu passes juste pas. Et même si on est en train de parler de ce problème-là dans un cours universitaire, il y avait quand même des jokes d'hommes qui coupaient la parole aux femmes en disant des trucs comme « il faut bien des gens pour faire le café ». Donc, c'est même dans un espace où on est supposément en train de parler du sexisme à l'intérieur de la police, on en était témoin là. Bon, on parle des abus des policiers, mais quels sont les moyens d'y faire face? Parce que tu parlais aussi du fait qu'il y a beaucoup de papier, mais que c'est pas nécessairement une solution. Puis on voit que les plaintes en déonto, en général, ça marche pas. Ben, je dis en général, mais aussi dans le particulier. Je sais pas, est-ce que vous avez vu ou entendu ou vous avez pensé des façons dont on pourrait intervenir ou les femmes en général? Au fait, quand on est féministe et qu'on se préoccupe de la violence faite aux femmes, on est pris dans un foutu dilemme parce que, c'est pas toutes les féministes qui sont prises dans ce dilemme-là, mais disons quand t'es féministe radicale, t'es pris dans le dilemme de dire quand il y a une situation de violence conjugale, qui a le pouvoir d'intervenir pour que cette femme qui est prise dans cette violence-là en sorte ou soit juste que sa vie et sa sécurité soit assurée, ben c'est la police. On sait très bien que les policiers interviennent mal ou interviennent pas dans des situations de violence conjugale, mais là, c'est quand même la façon dont on institutionnalise et puis qu'on règle les conflits et qu'on assure la sécurité des femmes. Donc ça, c'est ce qui se fait. Mais là, la question se pose quand on voit qu'est-ce que la police, quelles institutions la police sert. eh bien, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je lance des idées. Nous, on est peu nombreuses pour pouvoir le faire, mais ça serait bien si on pouvait le faire. C'est ce type de brigade qui a existé, qui existe en Inde, par exemple, qui existe ailleurs, et qui a existé en France, qui consistait à justement se regrouper entre féministes pour surveiller les quartiers, passer des dépliants dans les boîtes à mal pour dire « les femmes sont là si vous avez besoin », et aussi s'assurer justement que les femmes sont en sécurité dans la rue. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est encore en actualité et qui devrait être mis sur pied. C'est un rêve. Donc, ça prendrait des féministes pour pousser l'idée et organiser ce type de brigade. Donc, ça, c'est une des initiatives là, pour répondre à la question. Il y en a d'autres, mais c'est celle qui me vient en tête. C'est clair que les options qui s'offrent là, aux personnes qui souhaitent dénoncer ces abus policiers-là, je veux dire, comme tu disais, la déonto, je dis c'est n'importe quoi. Là, je veux dire, c'est la même clique qui font partie de la même gang qui enquête sur leur propre geste inacceptable. C'est un processus qui est biaisé à la base. Là, je veux dire, c'est pas objectif. Ça prendrait un organisme extérieur, puis même là, je suis même pas convaincue que ça l'aurait. Un temps soit plus d'objectivité, je pense qu'il faut y aller sur un autre terrain qui est celui qui nous a été présenté. Je pense pas que de se casser la tête de midi à 14h pour essayer de trouver un autre forum étatique, c'est la solution. Ben j'ajouterais un truc, parce que c'est vrai que ça serait vraiment trippant et très d'actualité, sauf que pour l'instant, en tant que féministe tout seul dans bien des situations de ma vie, j'ai quand même pris conscience que d'avoir un cellulaire qui filme peut être efficace dans certaines situations. Fait que quand on est témoin de situations, je pense que comme féministe, ça vaut la peine de se déplacer puis de se rapprocher puis de les surveiller. Puis ça m'est arrivé assez dernièrement, pendant l'été. Puis il y a vraiment une... Bon, ça y a pas sauvé la peau, mais il y a quand même une grosse différence dans l'attitude à partir du moment où ils se sentent regardés, filmés, surveillés, observés. Il y a vraiment là, un changement dans le comportement. Je pense pas que ça fait que tout à coup, ils font leur travail bien et avec respect, mais les débordements et les actes de violence sont, je sais pas, peut-être un peu moindres.